On a accusé Louis XIV d'un orgueil insupportable, parce qu'à la base de sa statue, à la place des Victoires, est entourée d'esclaves enchaînés. On ne parlait que de ces quatre esclaves, mais ils figurent des vices domptés, aussi bien que des nations vaincues, le duel aboli, l'hérésie détruite. Les inscriptions le témoignent assez. Elles célèbrent aussi la jonction des mers, la paix de Nimègue. Elles parlent de bienfaits, plus que d'exploits guerriers. D'ailleurs, c'est un ancien usage des sculpteurs de mettre des esclaves au pied des statues des rois. La nation désirait que Louis XIV eût préféré son Louvre et sa capitale au palais de Versailles, que le duc de Créqui appelait un favori sans mérite. La postérité admire avec reconnaissance ce qu'on a fait de grand pour le public. Mais la critique se joint à l'admiration quand on voit ce que Louis XIV a fait de superbe et de défectueux pour sa maison de campagne. Il résulte de tout ce qu'on vient de rapporter que ce monarque aimait en tout la grandeur et la gloire. Un prince qui, ayant fait d'aussi grandes choses que lui, serait encore simple et modeste, serait le premier des rois, et Louis XIV le second.